Putain Yahya, c'est encore toi enfoiré. À 16h, gros chat bonheur depuis que j'ai 16 ans. La meilleure frappe du lycée, j'quittais l'école entre midi et 2. 500 E-cheat, 400 E-beu. J'virais les petits qui traînaient en bas. Encore un peu, et juste un peu, faut que tu réajustes là, il manque un gramme. Flashback du Clio 2. Quand j'bombarde dans le feu, j'ai vu grave comme un esclave. Et regarde, maintenant j'recompte comme un roi. Passer du gramme au kilo, ensuite des kilos au plot. J'fais le tour du monde en showcase et j'récupère du bois toutes les 20 semaines. J'suis en première classe, j'vais m'allonger et 10 heures de voyage sous Hennessy. Et comme c'est moi qu'on baladait, bah dans ma brochure y'a un jacuzzi. Et 6 heures du mat, mort sous Skyrock. M'endors avec la plus bonne de la boîte. Et j'suis d'ailleurs, j'suis tellement d'ailleurs. Quand j'reconte, j'reprends sous du détail. Ah putain de merde, j'ai plus rien d'autre à faire à part compter mes juniors, merci le bon Dieu. Mais y'a encore cette pute qui croit que j'vais lui faire un gosse sa mère. Toujours la même niaque, je suis revenu les niquer plus qu'avant. On est cramé à cause du four, les petits deviennent des grands, les grands finissent vieux dans le vif. On exhibe des billets violets, mon disque d'or a fait des envieux. Je me fais masser par une Thaïlandaise, 90 minutes après j'en reveux. Et y'a ce qu'on dit, on reconnaît les putes quand on doit couper la part en deux. Ma mère m'a dit d'investir mes titres et de ne jamais donner mon don. Et maintenant, depuis que je suis dedans, je redave que les grands sont des gros mythos. Et patati, et patata, y'a que les gamins pour croire qu'ils sont blindés. Flashback du Clio 2. Quand j'bombarde dans le feu, j'ai bicrave comme un esclave. Et regarde, maintenant j'recompte comme un roi. J'suis dans le feu.